écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Car son prix est bien au-dessus des rubis. Le cœur de son mari se confie en elle, et il ne manquera point de butin. Elle lui fait du bien, et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle cherche de la laine et du lin, et travaille de ses mains avec joie. Elle est comme les navires d'un marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève quand il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force et fortifie ses bras. Elle éprouve que son trafic est bon. De nuit, sa lampe ne s'éteint pas. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle étend sa main vers l'affligé et tend ses mains aux nécessiteux. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue d'écarlate. Elle se fait des tapis. Le fin coton et la pourpre sont ses vêtements. Son mari est connu dans les portes quand il s'assied avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vêtue de force et de dignité, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse, et la loi de la bonté est sur sa langue. Elle surveille les voies de sa maison, et ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et il la loue. Plusieurs filles ont agi vertueusement, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vanité. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains et qu'opporte ses œuvres la loue. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous appliquer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risqueriez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Les hommes n'aiment pas les femmes qui utilisent leur sexualité comme un moyen de pression. Les hommes n'aiment pas les femmes qui utilisent la sexualité comme un moyen de pression conjugale. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Lorsque une femme utilise la sexualité comme un moyen de pression, elle suit le lit conjugal. Pourquoi? Parce qu'elle se comporte comme une prostituée dans sa propre maison. J'appelle ça la prostitution à domicile. Si tu ne me donnes pas, tu ne me touches pas. Il y a des femmes mariées comme ça. Si tu ne me donnes pas, tu ne me touches pas. Tu m'avais promis, tu ne m'as pas donné, tu ne me touches pas. Tu avais promis de m'acheter, tu ne me touches pas. Tant que tu n'accomplis pas ta promesse, tu me touches pas. Quelle est la différence avec une prostituée? La prostituée, tant que tu ne donnes pas, tu ne touches pas. La femme foyer, tant que tu n'as pas acheté, tu ne touches pas. Et des femmes qui demandent des choses à leur mari sur le lit. Tu me promets d'aider. En ce moment-là, on peut te promettre même le gratte-ciel, même la tour Eiffel, elle est à toi. Et il y a des femmes qui sont devenues spécialistes à demander les choses là. Pendant l'acte sexuel, c'est quand elles demandent des choses. pas différente d'une prostituée. Et c'est souiller le lit conjugal, c'est maudire votre foyer. Je n'insiste pas trop, il y a des célibataires. Amen. Mais les mariés me comprennent très bien, n'est-ce pas? La femme peut utiliser la sorcellerie sur son mari à travers le sexe. Si, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'église, mais elles sont sorcières envers leur mari. N'êtes-vous pas l'une d'elles? Quand vous voulez que votre mari puisse faire ceci ou cela pour vous, quand il veut vous approcher au lit, vous dites « Non, vous n'avez pas encore fait ceci, vous n'avez pas fait cela. » Vous utilisez le sexe pour ensorceler votre mari. Vous m'écoutez? Êtes-vous délivré? Êtes-vous délivré de la sorcellerie du sexe? Comment? Non, monsieur. Vous continuez à utiliser cela pour contrôler votre mari, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Pour le manipuler. Voyez-vous, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. La sorcellerie, c'est une contrefaçon d'une autorité spirituelle. C'est utiliser un autre esprit à la place du Saint-Esprit. C'est utiliser un autre esprit à la place du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour manipuler. Manipuler. Pour dominer. Pour contrôler. Et pour intimider. Même le mari utilisait l'argent comme sorcellerie envers votre femme. Je ne te donnerai pas. Pas du tout. Pourquoi? Voilà que vous êtes enceinte maintenant. Mais vous êtes aussi sorcière. Je vais vous délivrer aujourd'hui au nom de Jésus. À la femme, il dit, « Je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. » Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ lui-même est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Ainsi, les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari, de la même façon que l'Église se soumet au Christ. Twakupa ichi yetu mfalme Yesu, uje utawale kwa inchi ya Kongo, uje tuone utukufu wako Mungu wa miujiza. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Ushushe nyota yako dunia zima ijue ya kwamba Yesu yuko mfalme wa Kongo. Ulimwengu iangaziwe na nuru ya Kongo. Bwana twaomba, uje mfalme wa Kongo, uje karibu Mwokozi, uje wakisha moto wako tupate uhuru. Tubakupenta na yetu mulopo Yesu, ya ubikale mutanda ya Kongo, ya tumome tumboyo beleza wabi ukeno. Tata twalombe, ya mulopwe wa Kongo, ya utwele mulopwe, ya ubanze mudilobe tumone bwanabo. Tukija nye nye nye yobe tanda yoso iuke,

mona na esilite liwa ezali liwate toko mona na lisusu elongo na Yesu komona na esilite liwa ezali liwate toko mona na lisusu elongo na Yesu. Amen, amen, amen, amen, amen. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. He went to the cross. Il est allé à la croix. And died. Et mort. And resurrected. Et ressuscité. And today. Et aujourd'hui. 2014. 2014. He has power. Il a la puissance. To heal. Pour guérir. The Lord will clean up the house. Le Seigneur va nettoyer la maison. You like it or not. Que vous le vouliez ou pas. He must. Il va le faire. Because Jesus is holy. Parce que Jésus est saint. There must be a holy church. Il doit avoir une église sainte. Corruption must be cleaned out. La corruption doit être mise hors de l'église. And immorality. Et l'immoralité. I have to be very clear. John, je dois être très clair. Hallelujah. So if you have 8 churches, 10 churches. Donc si vous avez 8 églises, 10 églises. Don't say you are now apostle. Ne dites pas que vous êtes maintenant apôtre. Non. Non. It is God who calls. C'est Dieu qui appelle. Oh yes. Oui. Oh yes. Oh oui. Oh yes. Oh oui. God himself. Dieu lui-même. Who calls. Qui appelle. He must appear to you and call you. Il doit apparaître et t'appeler. So that you don't need to go to a theological college to be a pastor. Pour que tu n'aies pas besoin d'aller à une faculté de théologie pour être pasteur. So that you don't need to go to Bible college to be a pastor. Pour que tu n'aies pas besoin d'aller à une école biblique pour être pasteur. That's why people like me can come from medical and preach the gospel. C'est pour ça que les gens comme moi peuvent venir du domaine médical et prêcher l'évangile. Without going to Bible college, sans aller à une école biblique, to be taught about financial management, pour qu'on m'enseigne la gestion des finances, how to run a church like a business, comment gérer une église comme une affaire, un business, so we may come out, pour que nous puissions sortir, and depend on the Holy Spirit, pour que nous puissions sortir et dépendre du Saint Esprit, that Bible interprets Bible. Parce que la Bible interprète la Bible. So you don't need human philosophy. Alors vous n'avez pas besoin de la philosophie humaine. Human theology. La théologie humaine. So you can depend on the Lord. Pour que tu puisses dépendre du Seigneur. Alone. Seul. I have to be very clear. John, je dois être très clair. Hallelujah.